Chapitre 26. Tu feras le tabernacle de 10 tentures de fin lin retors, et d'étoffes violettes, pourpre et cramoisies, avec des chérubins que tu feras avec art. La longueur d'une tenture sera de 28 coudées, et la largeur d'une tenture de 4 coudées. La mesure sera la même pour toutes les tentures. 5 tentures seront attachées l'une à l'autre. Les 5 autres tentures seront aussi attachées l'une à l'autre. Tu feras des lacets violets au bord de la tenture, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord de la tenture, terminant le second assemblage. Tu feras 50 lacets à la première tenture, et tu feras 50 lacets au bord de la tenture, terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu attacheras les tentures l'une à l'autre avec les agrafes. Ainsi, le tabernacle formera un tout. Tu feras des tentures de poils de chèvre pour servir de tente au-dessus du tabernacle. Tu feras 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture sera de 30 coudées, et la largeur d'une tenture de 4 coudées. La mesure sera la même pour les 11 tentures. Tu attacheras séparément 5 tentures, et les 6 autres tentures séparément, et tu doubleras la 6e tenture vers le devant de la tente. Tu feras 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. Tu feras 50 agrafes de bronze, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui formera un tout. Les tentures de la tente auront, par rapport au tabernacle, un surplus d'une demi-tenture qui retombera à l'arrière du tabernacle. La coudée d'une part et la coudée d'autre part que les tentures de la tente auront de surplus en longueur retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, et la largeur de chaque planche d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenons parallèles, l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras les planches pour le tabernacle, 20 planches en direction du midi au sud. Tu mettras 40 socles d'argent sous les 20 planches, 2 socles sous chaque planche pour ces deux tenons. Pour le second côté du tabernacle en direction du nord, 20 planches, et leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, vers l'ouest. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront jumelées depuis le bas et bien liées ensemble à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux deux coins. Il y aura ainsi 8 planches avec leur socle d'argent, soit 16 socles, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 5 traverses de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 traverses pour les planches du second côté du tabernacle et 5 traverses pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'ouest. La traverse centrale au milieu des planches ira d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches. Tu feras d'or les anneaux qui recevront les traverses et tu couvriras d'or les traverses. Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Tu feras un voile violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, avec des chérubins que l'on fera avec art. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or, avec leurs crochets d'or, et posées sur quatre socles d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le saint des saints. Tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté sud du tabernacle. Tu mettras la table au côté nord. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau violet, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or avec des crochets d'or. Et tu fondras pour elles cinq socles de bronze.